Denise Baudu, une jeune Normande, originaire de Valognes, arrive à Paris avec ses frères, Jean, 16 ans, et Pépé, 5 ans. Ils sont à la recherche de la demeure de l'oncle Baudu quand ils découvrent, au bonheur des dames.